Le groupe de visite dans la patrie des élèves des écoles secondaires de cycle supérieur coréenne au Japon, conduit par Ho-gyong, directeur de l'école secondaire de cycle supérieur coréenne de Gobe, a déposé le 16 courant des gerbes de fleurs avant de s'incliner devant les statues des grands leaders Kim Il-sung et Kim Jong-il sur la colline Mansu.